corde, mon vieux. Chaque fois que je joue le blues, ça me fait penser beaucoup quand j'étais en Nouvelle-Orléans. J'ai commencé à jouer la musique. Tu as joué longtemps à la Nouvelle-Orléans? Ah oui, mon vieux, j'étais comme 6 ans, 7 ans, comme ça. Et tu jouais avec Buddy Bolden à cet âge-là? Oh non, j'étais 12 ans, 12 comme 12, 13 ans. Je commençais avec Buddy Bolden. Vous connaissez Bunk Johnson? Oui. Ah, c'était lui. Il vient chez ma famille pour avoir des permissions. Prenez-moi au travail après la maison. Pour que tu sois sage et que tu ne fasses pas de blagues. Ah, mon vieux, de 7 ans, j'étais trop petit. Audi Sinet, tu voudrais pas nous apprendre Buddy Bolden Blues? C'est le blues de Buddy Bolden. Avec plaisir, mon vieux.